en noir. Ils sont de partout. Ils viennent de nulle part. Pour nous donner des coups. Ils sortent du placard. Pour nous tordre le cou. Ils fument le cigare. Parfois nous rendent jaloux. Les monstres.